chanchon se lan. Oh oh oh oh Kadi, transporte-moi au Sénégal, pays de tes ancêtres, Sigue Chor ton village. N'oublie pas Saint-Louis, où la nature est flamboyante, de belles plages si sauvages, loin de toute pollution. Retiens ta promesse, oh Kadi, le tien pour Dieu national, à la cour du vieux Ndiaye le sage, détenteur de nos valeurs. Oh oh oh Fatimata, tu m'attendras à Dakar, où le bonjour devient sourire, Dakar aux mille couleurs. Dieudonné Ndiaye, en Africa. Sénégal. Faut-il croire que l'Afrique ne mourra pas au son des clochers, revivre les batailles d'antan de Soumyata Keïta? Rappelle-toi, oh Sania, de tes lettres enflammées, me traduisant l'air du temps, ville de Gorée, symbole de notre histoire. Oh, oh ma belle Sania, emmène-moi au Sénégal, pays de tradition, ok, viva l'Afrique. Sénégal, Sénégal, où le bonjour devient sourire, Dakar aux mille couleurs, carrefour de la négritude. Tu m'emmèneras visiter le lycée William Ponty, en souvenir de nos élites combattant pour l'indépendance. Oh yes Sénégal, et que vive l'Africa. Sénégal, Sénégal, oh yeah, oh yeah, oh yeah Sénégal, que souvent Sénégal, Nangadef, Sénégal, Sénégal, Sénégal, Sané Mamadou Mariam, Pessoumaï, Mbakunda, Sénégal. Sané Mamadou, Kessoumaï, Kessoumaï, Kep, Atiyon, Sania Kadi, Kessoumaï, Kessoumaï, Kep, Oye, Samawai, Nangadef, Mangifirek, Samarak, Samawai, Samawai, Nangadef, Mangifirek, Samarak, Jeju Tambatuti, Kesumai, Kesumai, Kep, Atiyom. Oye, Madame Sané, envoie-moi tous les tchèp, les tchèp tchèp. Ha ha, Sénégal. Oye, oye, île de Corée, Saint-Louis, Sénégal, Thiès, Louga, Tambacounda, Sénégal, Sénégal, Kaolack, Saint-Louis, Casamance, Sidenchor, Sénégal. Oye, oh yeah. Aha, Dakar. Dieu de Mendia, Kesumai, Kesumai, Sénégal, Africa. Nueva York, que sumai, que sumai, Senegal, que sumai, Nagade, Senegal, Magifire, oh Senegal, Nagade, Senegal, Magifire, oh yeah, que sumai, que sumai, que sumai, Senegal, que sumai, Belembe.